Book 2 81 81 الماضي 1 passé 1 passé 1 يكتب écrire écrire هو كتب خطابا. Il écrivait une lettre. Il écrivait une lettre. وكتبت هي بطاقة. Et elle écrivait une carte. Et elle écrivait une carte. يقرأ. Lire. Lire. هو قرأ مجلة مصورة. Il lisait un magazine. Il lisait un magazine. وقرأت هي كتابا. Et elle lisait un livre. Et elle lisait un livre. يأخذ. Prendre. Prendre. هو أخذ سيجارة. Il prenait une cigarette. Il prenait une cigarette. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Elle prenait un morceau de chocolat. Elle prenait un morceau de chocolat. هو ما كان وفيا. ولكن هي كانت وفية. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. هو ما كان لديه مال بل ديون. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Il n'avait pas de succès, mais au contraire, des échecs. Il n'avait pas de succès, mais au contraire, des échecs. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Il n'était pas heureux, mais au contraire, malheureux. Il n'était pas heureux, mais au contraire, malheureux. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Il n'était pas chanceux, mais au contraire, malchanceux. Il n'était pas chanceux, mais au contraire, malchanceux. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Il n'était pas sympathique, mais au contraire, antipathique. Il n'était pas sympathique, mais au contraire, antipathique.